Chapitre 21e. Mulford quitta Penrith Place dès que son travail fut terminé. Barbara continua le traité du haut de sa grandeur, jusqu'au moment des adieux, et il partit profondément blessé des dédains de sa jeune hôtesse. « Mais ai-je besoin de me venger ?» se dit-il à lui-même. « Elle a bien assez d'ennemis sans moi. » Madame Trevenock et Florence prolongèrent leur séjour à Penrith Place jusqu'aux fêtes de Noël. Florence prépara un arbre de Noël splendide qui devait faire époque dans le pays. Après le départ de Mulford, Mark sembla respirer plus librement. Florence eût bien voulu suivre les chasses avec lui, mais il resta sourd à toutes ses insinuations. La petite femme de Camelot n'aurait pas manqué d'en être informée, et les reproches dont elle l'eût accablé l'eussent fait payer trop cher les heures charmantes passées avec Florence. Il chasse donc seul, et pendant ce temps Mariette se livre de son côté à des méditations solitaires. Elle regrette le départ de Mulford, et ne se dissimule pas qu'avec un mari comme lui, une femme aurait eu beaucoup plus de chance pour arriver à la fortune qu'avec Mark. Elle ne reçoit guère d'autres visites que celles d'une vieille femme courbée, ridée, boiteuse, dont personne ne peut savoir l'âge, car elle est de beaucoup la plus âgée de tous les habitants de Camelot. Elle est logée dans une petite cabane, ressemblant à un toit à porc, situé dans une ruelle étroite et escarpée, laquelle débouche sur un terrain inculte, pierreux, offrant une série de proéminences assez peu élevées et donnant en petit l'idée du chaos. Cette vieille femme était connue depuis un temps immémorial sous le nom de Tante Julie. Elle avait sans doute été baptisée sous celui de Julie, mais rien ne résiste au temps et au bout de ces longues années, dont personne ne savait le nombre, Julie était devenue Julie et la tante titulaire de tous les enfants. Elle se montait elle-même de son extrême vieillesse, et si lointain que fût un événement dont on parlait devant elle, elle prétendait toujours en avoir été témoin. Les bambins croyaient qu'elle était à Plymouth lorsque l'invincible armada fut détruite par la tempête et par la flotte anglaise. Outre la grande expérience, bénéfice inévitable des années, la vieille Julie avait la réputation de connaître fort bien les plantes et leurs effets thérapeutiques. Les plantes transformées par elle en emplâtre, en baume, étaient infaillibles, disait-on, pour guérir certains maux d'yeux et d'oreilles. Ses recettes inspiraient une confiance illimitée. Cela tenait sans doute à son grand air de parenté avec les sorcières, qui autant jadis, comme on sait, étaient en possession de charmes magiques. L'emploi le plus lucratif de la tante Julie était celui de gardeuse d'enfants. Elle allait de temps en temps revoir ceux qu'elle avait élevés, payant la bonne réception dont elle était l'objet par le récit des aventures, des scandales qui couraient le pays à 10 lieues à la ronde. Elle venait souvent au cottage de Sainte-Colombe, car Mariette lui avait successivement confié ses 3 fils, sur lesquels elle prétendait avoir des droits quasi maternels. Un soir, Mariette et ses fils sont seuls au logis. La tante Julie arrive transie de froid et mourant de faim, et comme toujours, la mère et les 3 garçons lui font fête et lui servent eux-mêmes un bon souper. Puis, les enfants s'échappent comme une nuée d'oiseaux, et la vieille femme tire solennellement de sa poche un vieux paquet de cartes graisseuses bien connues de Mariette. Il est curieux d'observer quelle foi prête à ce vieil oracle l'astucieuse et positive Madame Peters. Elle s'assied, ses 2 mains reposent sur ses genoux, attentive et bouche béante, la tête penchée, elle suit d'un regard anxieux la tante Julie qui dispose 3 paquets de cartes sur la table. Puis, lorsqu'il n'en reste plus qu'une à retourner, son cœur bat comme si elle allait entendre la voix du destin. « Eh bien » demande-t-elle à la tante Julie qui déchiffre trop lentement à son gré ses oracles sibyllins. « Il y aura mort et chagrin avant que vos vœux soient accomplis, » dit-elle d'une voix sinistre. Les 2 mains de Mariette qui reposaient sur ses genoux ne font pas un mouvement. Cela semble aussi simple que de traverser un pont pour arriver à une ville où tout brille et reluit. Puis la tante Julie recommence à mêler les cartes lentement, en les donnant à couper à Mariette, et elle mouille son doigt pour saisir plus sûrement ses organes du sort. Elle jette avec emphase en la retournant une carte sur la table. C'est le roi de cœur. Une 2e épreuve, encore le roi de cœur. Vous avez un ami bien fidèle, dit la vieille tireuse de cartes. Puis, elle continue à retourner les cartes une à une, jusqu'à l'apparition d'une dame de trèfle qui paraît profondément l'intriguer. Elle la met à part, puis compte tout bas et s'écrie « Un voyage prochain. Vous quittez la maison. » Le front de Mariette devint soucieux. C'en est trop, elle crispe ses mains sur la table et se dit « C'est la revanche. Je suis sûr de gagner à mon tour. » La vieille Sibylle enfouit au plus profond de sa poche le paquet de cartes. Les deux femmes reculent la table et s'approchent du feu, les mains étendues à la chaleur du charbon qui brûle dans la grille comme du bois de charme. Mais on entend au loin le murmure du vent. Le grand peuplier devant la maison craque comme le grand mât d'un navire en détresse. « Vous avez l'air bien sombre ce soir, Mariette, » dit tante Julie à Madame Peters. « Y a-t-il donc quelque chose de nouveau ?»« Absolument rien. Mais croyez-vous que je mène une vie gaie ici ? Si Marc meurt avant son frère, je suis sûr de finir mes jours à l'hôpital. » »« Ce n'est pas dans les probabilités. La vie est un jeu de hasard dont on peut discuter à l'infini les chances. » Voyez, Barbara Penrith, sa beauté a été pour elle la source féconde de tous les biens, tandis que la mienne n'a servi qu'à me plonger dans l'abîme. Je maudis cette beauté fatale qui n'a pas même su m'assurer un lendemain. Tante Julie, racontez-moi, je vous en prie, quelque histoire terrible qui me fasse oublier pour le moment, le présent et l'avenir. Vous rappelez-vous celle de Ruth Trevargan, qui a été pendue il y a une trentaine d'années pour avoir empoisonné son mari? Oui, certainement. Mais quelle folle! N'a-t-elle pas donné à son mari de l'arsenic, qui ne peut échapper à l'analyse des hommes de l'art, au lieu de certains végétaux dont les substances disparaissent complètement? C'est bien heureux, du reste, pour la pauvre humanité, qu'une vieille ruine comme moi ait seule les secrets de ces terribles poisons. Lesquels, par exemple? À quoi bon vous initier à leurs pernicieuses vertus? Vous pourriez, par inadvertance, en parler devant des gens qui en feraient mauvais usage. Moi, ayant voulu guérir, j'ai dû étudier les différentes propriétés des plantes. Oh, je ne veux pas vous disputer votre savoir, riposte Mariette. Seulement, vous verrez qu'un de ces jours, vous tuerez un homme au lieu de le guérir. Moi, j'y vois encore aussi clair qu'à 15 ans. Il y a un mois, j'ai radicalement guéri Madame Doyle d'une maladie de cœur, en lui faisant prendre des décoctions de digital. Si j'avais outrepassé un tant soit peu la quantité voulue, elle était morte. Car il n'est rien comme les jeunes feuilles de digital pour empoisonner même à très petite dose. Comment va l'aînée des filles de Madame Lenhern? Demande Mariette sans poursuivre plus longuement l'entretien sur la botanique, qui semblait une seconde auparavant avoir pour elle un si vif attrait de curiosité. La conversation devint alors purement locale, et la tante Julie était, sous ce rapport, beaucoup mieux informée que n'importe quelle feuille du comté.